Marcel! La lecture est une amitié. Mon Dieu, mais j'oubliais. C'est l'heure. Un été avec Proust. Une émission de Laura Elmaki. La lecture est une amitié. Ce n'est pas vraiment dans ses habitudes, mais pour une fois, Marcel Proust fait court et nous dit l'essentiel en 5 mots. Le livre, pour lui, n'est pas qu'un objet. Il n'est pas qu'une somme de feuillets ou qu'un ensemble de mots qu'on lit puis qu'on oublie. Il n'est pas qu'un titre non plus ou qu'une histoire. Le livre est un ami, et un ami qui nous veut du bien. Le roman, à la recherche du temps perdu, en est un justement, même si c'est parfois difficile à croire. Car Proust nous invite à une lecture longue et un peu périlleuse, mais à une lecture qui pourra peut-être nous émouvoir, qui pourra nous ouvrir des portes et nous faire accéder à des contrées inconnues. Un ouvrage en somme, comme nous n'en lisons pas tous les jours, proprement extraordinaire. Ils sont nombreux, les lecteurs de Proust. Nous avons eu l'occasion d'en entendre quelques-uns tout au long de l'été. Je veux bien sûr parler de mes invités, mais aussi des comédiens grâce auxquels nous avons savouré le texte de la recherche. André Dussolier, Lambert Wilson, Robin Rinucci, Guillaume Gallienne, Denis Podalydès. Ils ont lu et enregistré le roman en entier pour les éditions Télém et ils nous accompagnent encore un peu pour cette dernière émission consacrée justement à la lecture. Après une semaine consacrée à la musique, la peinture et à l'écriture, la lecture est probablement l'art ultime prôné par le narrateur dans la recherche. Art ultime, mais aussi fondateur, car sans les livres qu'il a lus, il n'aurait pu être écrivain. Alors pourquoi les livres, et celui-là en particulier, nous sont-ils indispensables ? Comment lisons-nous aujourd'hui et comment lirons-nous demain ? Marcel Proust se posait déjà ces questions dans son fabuleux essai sur la lecture. Et je les pose ce soir à un écrivain, homme de lettres et de peinture, Adrien Goetz, pour cette dernière émission d'Un été avec Proust. Proust a été un homme infiniment angoissé, malheureux, tant qu'il a fait dépendre son bonheur des sentiments toujours changeants d'un être humain, de l'accueil plus ou moins favorable d'un groupe. Mais à partir du jour où rien ne compte pour lui que son œuvre, il retrouve la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans un passé recréé que rien, sinon la mort, ne pourra plus lui arracher puisqu'il est là, il l'a fixé dans son œuvre. Et nous aussi, nous savons que l'œuvre d'art nous donne un bonheur stable. Elle est soustraite pour nous, lecteurs, au temps qu'elle défie. Matériellement, elle peut être détruite. Spirituellement, elle est éternelle. Une personne réelle change, elle nous échappe. L'art offre à l'homme ce que le monde lui refuse, l'union du sentiment et de la durée, ou si vous voulez, l'union de la passion et de la durée. Bonsoir Adrien Goetz. Bonsoir. L'art offre à l'homme ce que la vie lui refuse. André Mauroy parlait de la recherche, bien évidemment, mais des œuvres d'art en général. Êtes-vous d'accord avec lui ? Oui, et ça renvoie aux lectures de la petite enfance, le début du roman, comment on s'endort avec des livres, les livres donnés par la grand-mère ou par la mère. Il y a François Le Champy, il y a les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry, il y a les livres aussi dont on peut parler avec les gens de sa famille. La lecture de Madame de Sévigné, c'est un des partages de la grand-mère et du narrateur. Le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné, vous vous souvenez de cette intuition incroyable, les lectures de Jean Racine, tous ces livres qui sont les livres de l'enfance du narrateur dans le roman de Proust, sont fondateurs, sont les pierres de fondation de la cathédrale. Et ensuite, dans le roman, on voit que la lecture est constamment pratiquée comme un art. L'amour du narrateur pour Albertine passe aussi par des lectures. Il lui donne des livres, il parle avec elle du style des écrivains. Il y a des leçons de littérature données à Albertine. Proust a aimé les livres, a eu l'idée qu'il pouvait aussi aimer les livres des autres. Tous les écrivains ne sont pas capables d'aimer les livres des autres. Il a préfacé le livre de son ami Jacques-Émile Blanche, Propos de peintre. Il a préfacé Tendre Stock, le premier Paul Morand. Donc Proust a cette générosité de lecteur, et on s'en aperçoit aussi quand on lit ses pastiches. où il est capable d'entrer dans le style des autres. Il raconte cette affaire Le Moine qui avait couru les journaux, une affaire d'escroquerie dans le style des Goncourt, dans le style des Mémoires de Saint-Simon. Donc il peut s'approprier le style de ses lectures. Et ça, c'est la base du métier d'écrivain. Alors il y a deux choses dans ce que disait André Mauroy. Comment une œuvre d'art peut transformer son créateur, mais aussi comment peut-elle bouleverser le spectateur ou en tout cas le lecteur dans ce cas-là. Comment la recherche a pu vous bouleverser ? Proust vit au milieu des œuvres d'art. Il nous donne quelques recettes, en fait, qu'on peut pratiquer nous-mêmes pour essayer de regarder les œuvres d'art qui sont dans le monde qui nous entoure. Il n'y a pas que des livres, il y a aussi des peintures. Vous vous souvenez que l'amour de Swann pour Odette passe par l'identification d'Odette à une fresque de Botticelli, un détail d'une peinture murale de la chapelle Sixtine, les filles de Jethro de Botticelli. Et Swann aime Odette, mais il l'aime à travers une ressemblance avec une œuvre d'art. Il y a le personnage de Bloch qui ressemble au portrait de Mahomet II par Bellini. Il y a la description des domestiques à la soirée de Madame de Sainte-Verte qui ressemble à des personnages peints par Mantegna. Et donc là, c'est le Louvre qui s'invite à la soirée. Ou bien il y a la fille de cuisine à Combray qui est enceinte et qui ressemble à l'allégorie de la charité peinte par Giotto à Padoue. Il y a le portrait par Ghirlandaio de, vous savez, au Louvre, ce personnage qui est un grand-père avec un nez totalement boursouflé et qui tient son petit-fils à côté de lui, un des personnages dit « Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Monsieur Dulot ?» Et bien ça, on peut le faire. Dans la vie réelle, on peut jouer à appliquer la technique proustienne qui est reconnaître les tableaux qu'on aime dans les gens qu'on croise dans le métro. Voilà, c'est un exemple. C'est le premier qui me vient en tête, mais on pourrait en trouver d'autres. Comment on peut être proustien, non seulement dans ses lectures ou dans ce qu'on a envie d'écrire, mais aussi dans sa vie. Alors il y a des lectures essentielles, pour nous c'est peut-être la recherche, pour Proust c'était le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier qu'il découvre très jeune et dont il tombe amoureux. Pour le narrateur, c'est donc les romans de Georges Sand que sa mère lui lit le soir dans son lit. André Dussolier prête sa voix à cet extrait très touchant de Du côté de chez Swann. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François Le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais jamais lu encore de vrais romans. J'avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François Le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux. Quand elle lisait la prose de Georges Sand, qui respire toujours cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère à tenir pour supérieure à tout dans la vie, et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à ne pas tenir également pour supérieure à tout dans les livres, attentive à bannir de sa voix toute petitesse, toute affectation qui eût pu empêcher le flot puissant d'y être reçu, elle fournissait toute la tendresse naturelle, toute l'ample douceur qu'elle réclamait à ces phrases qui semblaient écrites pour sa voix et qui, pour ainsi dire, tenaient tout entière dans le registre de sa sensibilité. Elle retrouvait pour les attaquer dans le ton qu'il faut, l'accent cordial qui leur préexiste et les dicta, mais que les mots n'indiquent pas. Grâce à lui, elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes, donnait à l'imparfait et au passé défini la douceur qu'il y a dans la bonté, la mélancolie qu'il y a dans la tendresse, dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leur quantité fût différente dans un rythme uniforme. Elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue. Le souvenir de la douceur de la mère qui lit François Le Champy à son fils. Adrien Goetz, comment à vos yeux un livre devient un classique? Comment la recherche est devenue un classique? C'est un grand mystère parce qu'on a cité Gide, par exemple. Le journal de Gide a été un grand classique. Aujourd'hui, plus personne ne l'ouvre jamais. Savoir que non seulement Proust deviendrait le grand classique de la littérature française, mais le grand écrivain français, je crois, aurait surpris tout le monde au lendemain de l'enterrement de Marcel Proust. Il y a eu une transformation du regard qu'on a porté sur l'œuvre, sur À la recherche du temps perdu, qui est devenu le classique par excellence, alors que c'était certainement pas ça Alors dans l'esprit de Proust, on ne sait pas. Je crois qu'il est au contraire très héroïque. Il a une ambition, il veut conquérir la première place. Mais en réalité, il aurait peut-être été surpris d'y être arrivé. Alors un classique comme La Recherche est peut-être intimidant quand on écrit, quand on veut écrire. Vous qui êtes romancier et qui avez écrit plusieurs intrigues à succès, est-ce que ce livre vous a encouragé, décidé à écrire ? Très indirectement et très modestement, c'est-à-dire que j'écris des romans qui ont toujours à voir avec les tableaux, avec les œuvres d'art, avec les musées. Et Proust doit peut-être montrer qu'on pouvait choisir un tableau et en faire le personnage principal d'un roman ou un personnage de livre, que les œuvres d'art n'étaient pas des choses muettes et mortes condamnées au musée, mais qu'on pouvait les faire vivre dans des livres. Donc ça peut-être, ça a été un point qui m'a apporté quelque chose, mais je me garderais bien de faire la moindre comparaison et de parler en tout cas de mon plaisir de romancier. C'est autre chose. Un été avec Proust, Adrien Goetz, Laura Elmaki. Alors j'aimerais vous soumettre une phrase de Proust qui disait que le romancier ne donne pas de réponse, il nous donne des désirs. Oui, le désir de lire une fois qu'on a fini à La Recherche du Temps Perdu, puisque cet été tout le monde a lu grâce à vous à La Recherche du Temps Perdu. Ben maintenant, il faut aller lire Jean Santeuil, il faut lire le choix des lettres de Marcel Proust qui a été publié chez Plon, il faut s'immerger dans Contre Sainte-Beuve, dans les pastiches, ça c'est très drôle. Il y a aussi un désir d'en savoir plus et de continuer, comme quand on aime un peintre, on a envie de voir tous ses tableaux, alors on commence à faire le tour du monde des musées pour tout voir. Il y a des auteurs dont on a envie de tout lire. Oui, il n'y a pas que les œuvres de fiction de Marcel Proust. Il y a beaucoup d'essais, sa correspondance qui est aussi... Bien sûr, oui, tout ça c'est très passionnant parce que c'est aussi la genèse de l'œuvre. Hein. Le plaisir qu'il y a dans Jean Santeuil à retrouver des pages dont on se souvient parce qu'on en a lu la décantation, la transposition dans « À la recherche du temps perdu ». Alors le lecteur, finalement, c'est la seule figure qui n'a pas de personnage dans La Recherche du Temps Perdu. Le narrateur. À part le narrateur. Oui, bien sûr. À part le narrateur. Et à la fin, le lecteur est mis en lumière par cette phrase. Le narrateur souhaite que ses lecteurs soient les propres lecteurs d'eux-mêmes. Alors c'est une image assez intéressante parce qu'il parle aussi des vers grossissants. Il dit que ce livre est une sorte de loupe par laquelle on peut se voir, on peut se regarder, se reconnaître, peut-être s'analyser. Oui, c'est pour ça que des gens très différents ont l'impression que Marcel Proust a écrit ce livre uniquement pour eux. Et qu'on peut aussi ne pas s'intéresser du tout au salon du tournant de 1900, ne rien vouloir savoir du milieu des Guermantes ou du monde des Verdurins, et comprendre que Proust est à l'intérieur de nous-mêmes et nous décrit. Ça, c'est une expérience que tout lecteur de Proust, quand il fait le petit effort qui consiste à se lancer dans ce grand mouvement d'une lecture fleuve, tout lecteur de Proust l'a ressenti et le ressent, que ce livre parle de lui-même. Oui, il y a aussi une impression très particulière à la fin de la lecture. C'est ce que j'ai ressenti. Il y a cet énorme pavé de 3000 pages qu'on vient de lire avec ses 500 personnages. Un pavé qui traverse donc les années, mais qui nous ramène à nous-mêmes, qui s'adresse à nous. Et Proust nous désigne comme oui, des artistes. Le mot pavé est bien choisi parce qu'il y a les pavés inégaux dans la cour de l'hôtel de Guermantes qui provoquent le souvenir. Il y a le pavé de mai 68 qu'on jette à la face de la société. Il y a un côté opposition, nourriture de combat hein, chez Proust qui est évident. Il y a eu des adaptations télévisées où il y avait une sorte de mièvrerie du narrateur. Moi, je crois que c'était mal vu. Je pense que le narrateur est quelqu'un d'offensif. Il veut se battre, un peu comme Claude Monet pendant la guerre de 14, peint et veut se battre. Les nymphéas sont son combat à lui, sont sa tranchée. Proust a, et pas uniquement pendant la guerre, ce désir d'être un combattant. Alors la réflexion sur la lecture, Marcel Proust l'amorce très tôt dans son essai publié en 1905 et intitulé « Sur la lecture ». Je vous propose d'en écouter un extrait lu par notre décidément très talentueux André Dussolier. Puis la dernière page était lue. Le livre était fini. Il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Alors, afin de donner au tumulte depuis trop longtemps déchaîné en moi pour pouvoir se calmer ainsi d'autres mouvements à diriger, je me levais. Je me mettais à marcher le long de mon lit, les yeux encore fixés à quelque point qu'on aurait vainement cherché dans la chambre ou dehors, car il n'était situé qu'à une distance d'âme. Une de ces distances qui ne se mesurent pas par mètre et par lieu comme les autres, et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elles quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose. Alors quoi, ce livre, ce n'était que cela. Ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait, et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre avec une indifférence affectée ou un ennui fin, ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais. On ne saurait plus rien d'eux. Déjà depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait suivis jusque-là, pas à pas. L'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré. Puis, subitement, 20 ans après ces événements, on pouvait rencontrer dans les rues de Fougères un vieillard, encore droit, etc. Et le mariage, dont 2 volumes avaient été employés à nous faire entrevoir la possibilité délicieuse, nous effrayant, puis nous réjouissant de chaque obstacle dressé, puis aplani, c'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré. Nous ne savions pas au juste quand, dans cet étonnant épilogue écrit, semblait-il, du haut du ciel, par une personne indifférente à nos passions d'un jour, qui s'était substituée à l'auteur. On aurait tant voulu que le livre continuât. Et si c'était impossible d'avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qui nous avait inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut, ne pas avoir aimé en vain pour une heure des êtres qui demain ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée, dans un livre sans rapport avec la vie et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris puisque son lot ici-bas, nous le comprenions maintenant et nos parents nous l'apprenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse, n'était nullement comme nous l'avions cru de contenir l'univers et la destinée, mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire, entre les fastes sans prestige, du journal de modes illustrés et de la géographie d'Eure-et-Loire. La tristesse de finir un livre et de quitter un monde. Adrien Goetz, c'est assez paradoxal, mais on a ce sentiment quand on finit la recherche. On a lu 3000 pages, mais on voudrait que ça continue. Oui, puis ça reste vivant, parce qu'il n'y a pas qu'en Eure-et-Loire qu'on peut ouvrir ce livre. Proust est lu aujourd'hui dans le monde entier. Ça, c'est très frappant. Proust fait venir à la langue française des gens de partout. Moi, je regarde dans mes amis, les emails que j'ai reçus cette semaine, qu'il y a un vrai rayonnement de Proust international et qui passe par la langue française. Ça, c'est unique. C'est vraiment une richesse extraordinaire qu'il faut qu'on préserve, hein, de comprendre bien que Proust est aujourd'hui un des atouts de la langue française à l'étranger. Hein, Proust, c'est un texte qu'on croit difficile, mais qui donne envie de vaincre cette difficulté-là, qui donne envie de se l'approprier pour pouvoir en parler avec d'autres. Hein. Il y a un réseau de Proustiens qui est immense et qui n'est pas du tout une petite secte réunie autour d'une table. Hein, tout votre été l'a prouvé. Tous ceux qui sont venus parler de Proust sur France Inter étaient là pour le dire aussi. Vous qui êtes chercheur, universitaire, professeur à la Sorbonne, que peut-on encore dire de Proust? C'est vrai que c'est l'un des auteurs les plus étudiés au monde. On trouve encore des choses à dire. Il y a eu ce colloque d'Antoine Compagnon au Collège de France et à l'École normale supérieure où il y avait des communications passionnantes sur des sujets tout à fait inédits concernant Proust. Jean-Yves Tadier a entrepris une série de volumes sur Proust et ses amis, et à chaque fois ce sont des éclairages nouveaux qui surgissent sur Proust. C'est une œuvre inépuisable et elle est parfaitement vivante aujourd'hui. Alors, il nous reste quelques minutes. C'est une question que j'ai posée à plusieurs de mes invités. Si vous rencontriez Marcel Proust aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Je crois que je serais totalement paralysé, je serais incapable de lui dire quoi que ce soit. Je préférerais essayer de lui écrire une lettre. Alors dans cette lettre, qu'est-ce qu'elle contiendrait cette lettre? Je lui poserai sans doute des questions sur les musées. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'aime chez lui. Jean-Louis Vaudoyer lui a écrit des lettres en lui disant « Est-ce que s'il fallait faire une salle française au musée du Louvre, quelles œuvres choisiriez-vous » Bon, c'est dans cette direction-là que que je l'interrogerai, parce qu'il y a des... Parfois, on reste sur sa fin. On aimerait qu'il nous parle un peu plus de ces œuvres d'art qu'on a essayé d'évoquer ensemble. Donc, c'est des questions assez précises. Je crois que c'est ce qu'il faut faire quand on écrit à de grands hommes. Moi, j'ai écrit des lettres à Claude Lévi-Strauss. Il répondait quand on lui posait des questions précises et qu'il estimait qu'il pouvait répondre. C'est le sens de cette lettre incroyable qu'on a lue il y a quelques jours, où Proust révèle l'architecture de cathédrale à un lecteur qui lui avait écrit son admiration, mais avec un commentaire précis et susceptible de l'intéresser. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Adrien Goetz. Je rappelle que votre roman « La dormeuse de Naples » est publié aux éditions du Seuil Collection Point et que la série des intrigues apparue chez Grasset, le dernier en date, s'intitule « Intrigues à Venise ». Cet été proustien s'achève ce soir. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à lire et redécouvrir à la recherche du temps perdu. Je tiens à remercier très chaleureusement toute mon équipe pour leur travail et leur enthousiasme. Audrey Ripouille à la réalisation, Emmanuel Fournier et Valentin Pérez qui m'ont aidé à la préparer. Lundi prochain, à cette même heure, vous retrouverez Kathleen Evin et son humeur vagabonde. Je vous souhaite une bonne soirée et une très belle fin d'été sur France Inter.